Oui, si. Le général fut un ancien soldat. Certains désirent me mettre à terre, mais ils n'auront que dalle. Rien, le soldat sera le futur général. Chien, tu veux ma vie, prends-la. Mais j'avais déjà le cœur assassiné depuis l'état fétal. Certains désirent me mettre à terre, mais ils n'auront que dalle. Rien, le soldat sera le futur général. Chien, tu veux ma vie, prends-la. Mais j'avais déjà le cœur assassiné depuis l'état fétal. L'ancien soldat sera le futur général. Sauvage sur un gilera, peut-être que tu prépares tes funérailles. Pour les blavons, les noirs sont une race inférieure. Une trace qui tache un linge d'une qualité supérieure. J'aimerais avoir la plume d'écouer, la gamberge à chill. Car j'ai l'impression d'avoir échoué. Choix de vie basé sur la prise de risque. Entre la zombie, les voitures chourées, j'échappe. Et la plus grave auto qui inquiétant, non. Mais la vie est complexe comme ce calibre qui peut servir à nous tuer ou à nous défendre. Trop de frères perdus en ce début de siècle. Sur Aubert, meurtrière et l'inconscience criminelle. Une virée sur l'autre sentier pour une ivresse de pouvoir. Souviens-toi de te méfier car les mythos ont très bonne mémoire. Pyromane, lyrical, backdraft, la pitié est une faiblesse que ton ennemi ne partage pas. Difficile d'avaler ces paroles complaisantes du genre ça va aller. Pour cette rac au sommet ça va cavaler. Une crise économique qui frappe les travailleurs, faut aller voir ailleurs, prendre le Concorde et voyager. Pour les moins chanceux, ça risque d'être raide comme l'enfer. Hier encore, je retournais la violence à l'envoyeur. Ne me dis surtout pas que la guerre est déclenchée. C'est vrai, les voyous ont des armes et la plupart ne savent pas tirer. Certains désirent me mettre à terre, mais ils n'auront que dalle. Rien, le soldat sera le futur général. Chien, tu veux ma vie, prends-la. Mais j'avais déjà le cœur assassiné depuis l'état fétal. Certains désirent me mettre à terre, mais ils n'auront que dalle. Rien, le soldat sera le futur général. Chien, tu veux ma vie, prends-la. Mais j'avais déjà le cœur assassiné depuis l'état fétal. Je suis un général, je suis inconsolable. Je suis incontrôlable, je suis ton général, gros. Je suis inconsolable, je suis incontrôlable. Je suis ton général, gros. Je suis incontrôlable, je suis inconsolable. Je suis ton général, gros. Je suis inconsolable, je suis incontrôlable, je suis ton général. Je suis le noir qu'on peut croiser dans les quartiers suspects. Tellement de soucis au volant que je m'endors sur la pluie-tête. Les premiers camps de concentration se trouvent en Afrique. J'essaie à présent de fuir la rue pour une vie presque tranquille. Banlieue nord, un peu barré sur les bords. Bordel, dans l'air rarifié des sommets, les claques de la vie sont lointaines. Tu verras où j'irai si le ghetto me prête vie. J'aurai un rancard express avec un gros paquet de bif. J'inspire à un empire. Je cause le langage du bifton, j'ai le sommet de Jules César parce que j'ai trop d'ambition. Plus question d'avoir de la pitié, y'a que le bled qui puisse nous rendre ce que la France nous a volé. L'histoire de l'Afrique est une bonne femme qu'ils ont violée. En réunion, nous sur le terre-terre, on se bat pour un Western Union. De ma sortie de Carpla à explosive musique, c'est que des problèmes qui fileraient la migraine à une aspirine. Graine de délinquant, chérie, tu m'aimes et ta connasse de voisine appelle souvent le shérif. Voici la facette qui n'oublie jamais ses racines, kiki. Voici la cachette du trésor de famille. Entre les chèques sincères et les espèces cellophanées, les pierres tombales des poteaux et les impôts qui nous saignent, négro. Diabolisé par les lecteurs de la presse populaire, laisse que je le répète, je baisserai la France jusqu'à ce qu'elle m'aime. Certains désirent me mettre à terre, mais ils n'auront que dalle. Rien, le soldat sera le futur général. Chien, tu veux ma vie, prends-la. Mais j'avais déjà le cœur assassiné depuis l'état fétal. Certains désirent me mettre à terre, mais ils n'auront que dalle. Rien, le soldat sera le futur général. Chien, tu veux ma vie, prends-la. Mais j'avais déjà le cœur assassiné depuis l'état fétal. Je suis un général, je suis inconsolable. Je suis incontrôlable, je suis ton général. Je suis inconsolable, je suis incontrôlable, je suis ton général, gros. Je suis incontrôlable, je suis inconsolable, je suis ton général, gros. Je suis inconsolable, je suis incontrôlable, je suis ton général, gros. Oui, si. Jamais l'Afrique, jamais il faut l'oublier. N'oubliez jamais que nos darons sont des ouvriers.